La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui lundi, nous voilà repartis dans l'exploration d'un grand écrivain du patrimoine mondial avec cette semaine Italo Calvino, héros de cette série proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin et Laurane Travaglichanal. À la console aujourd'hui, c'est Jacques Azubert. Voilà un patronyme qui ressemble à un programme, avec Italo pour les racines, l'ancrage dans le passé, le temps des chevaliers, des barons et des vicomtes, et puis Calvino pour le pas de côté révolutionnaire, l'ascèse, la liberté de penser. Ce nom, c'est celui d'un grand écrivain dont l'univers fantastique a su réenchanter le monde de ses lecteurs par des histoires à la superficialité profonde, pour reprendre l'expression de l'un de ses traducteurs, Jean-Paul Manganaro. Superficialité profonde que nous allons explorer jusqu'à jeudi. Et nous le ferons tout d'abord demain par un parcours dans l'œuvre avec Philippe Darros, depuis les premiers romans néo-réalistes et engagés jusqu'à l'irruption d'une plus grande liberté de style avec la trilogie Nos Ancêtres. Mercredi, c'est précisément de cette trilogie dont nous parlerons, car ces trois fables fantastiques que sont Le Vicomte Pourfendu, Le Baron Perché et Le Chevalier Inexistant reparaissent en ce moment chez Gallimard dans une traduction de Martin Rueff. Il sera notre invité. Enfin jeudi, nous nous pencherons sur un Calvino de l'avant-garde, très influencé par Queneau lors de ses années parisiennes et qui a su faire entrer la science dans la littérature à la manière de l'Oulipo. Serge Capello nous en parlera. Et aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, nous sommes avec vous, Marie Favre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en études italiennes à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez soutenu en 2012, ce n'est pas si vieux, une thèse intitulée « Utopie et littérature » chez Elio Vittorini et Italo Calvino. Calvino dont, comme vous le savez, il existe de nombreuses photos, et je crois que Pasolini, que vous connaissez bien aussi, qui était ami de Calvino, ami, on peut peut-être nuancer d'ailleurs cela, en tout cas il disait que Calvino avait un visage militaire, fier et un peu fourbe. Alors je voudrais qu'on commence comme ça, est-ce que vous êtes d'accord avec Pasolini, fier et un peu fourbe, le visage de Calvino ? Alors, c'est une définition qui m'étonne un petit peu, et en même temps, venant de Pasolini, cet adjectif fourbe est peut-être un peu quelque chose d'un peu malin, d'un peu fourbe à son tour. Étant donné que ces deux auteurs ont d'abord été amis, mais ensuite ils ont aussi été séparés par une série de désaccords, comme sur la question du dialecte ou plus tard sur la question de l'avortement, et ces deux personnalités vraiment très, très différentes. En tout cas, dans ce profil à la fois militaire et fourbe, c'est vrai qu'on retrouve le visage de Calvin, qui a souvent quelque chose de très concentré, qui était aussi quelqu'un de très laconique, un peu taiseux. Et voilà, moi c'est surtout cette intelligence, cette concentration que je vois dans son profil. Peut-être que vous préféreriez ce qu'en disait Roland Barthes, qui voyait chez Calvino de la bonté, de l'humanité, une ironie jamais blessante, mais au contraire distante et sympathique. C'est plus votre Calvino, ça peut-être. Tout à fait. On n'y trouve pas ce qui est pour moi la deuxième caractéristique de Calvino, c'est-à-dire une grande capacité d'abstraction. Mais en effet, on a d'un côté l'abstraction et de l'autre côté cette sympathie qui est à l'œuvre dans toutes ses productions. L'abstraction au sens de s'abstraire du monde ou au sens de réfléchir dans l'abstrait ? Non, au sens vraiment de réfléchir dans l'abstrait, au sens d'une imagination rationnelle qui est à l'œuvre chez lui constamment. Mmh. Pasolini parlait aussi de sa bouche charnue qui s'agite toujours sur le point de dire quelque chose qui effleure de manière hilare son cerveau attentif. Ça, c'est quand même joli. Oui, par ailleurs, Calvin était aussi connu pour ses balbutiements, pour une certaine manière de parler, parfois un peu hésitante et parfois un peu bougonne aussi. Oui. Allez, la biographie, il faut d'abord dire qu'il a rédigé lui-même une biographie, enfin une sorte de biographie, ça s'appelle « Ermite à Paris » et c'est sous-titré « Pages autobiographiques ». Mais de quoi s'agit-il exactement, Marie Fabre ? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une autobiographie réellement. Non, Ermite à Paris, bon déjà c'était un livre qu'il n'avait pas fini de préparer, c'est-à-dire que au moment de sa mort, on retrouve différents dossiers sur le bureau de Calvino et il préparait en effet un ensemble de d'écrits autobiographiques, mais il s'agit à la fois de récits, de notices bibliographiques qu'il a lui-même écrit et d'interviews. D'articles, c'est ça, oui, d'interviews. D'articles, d'interviews qui étaient censés retracer son parcours et peut-être lui donner un sens a posteriori. Mais il n'a jamais pu finir véritablement ce livre-là. C'est sa femme qui a ensuite recueilli toutes ces pièces et les a publiées de manière posthume. Mmh. Il a été traduit en français par Jean-Paul Manganaro. Il est disponible depuis 2014 aux éditions Gallimard. Pourquoi ça s'appelle comme ça, Ermite à Paris ? Ermite à Paris, ça correspond très bien à la représentation que Calvino donnait de lui-même, disons, dans la deuxième partie de sa vie. Calvino déménage à Paris en 67, après s'être marié, parce que sa femme vivait à Paris. Qui n'était pas parisienne, hein. Elle non, était sa femme était argentine, était une traductrice argentine d'origine russe. Mais qu'il a rencontré, avec laquelle il s'est, au début des années 60, avec laquelle il s'est marié en 64, et avec laquelle il a eu une fille. En 67, il déménage à Paris. C'est le début d'une toute autre partie de son œuvre, qui est aussi un moment, disons, par rapport à la période précédente, qui était la période de l'engagement, de retrait de la vie publique. Et c'est à ce moment-là qu'il se donne cette auto-représentation de lui-même en ermite, qui sera aussi présent dans le château des destins croisés, c'est-à-dire quelqu'un... Il y a toujours cette problématique de la distance chez Calvino. L'ermite, pour lui, dans les représentations de Saint-Jérôme ou de Saint-Antoine, par exemple, c'est quelqu'un qui se tient à distance de la ville, mais qui a toujours la ville en fond et comme préoccupation. Mais là, il était dans la ville, à Paris. Oui, mais pour lui, justement, Paris, il disait Paris, c'est ma maison de campagne. Paris, finalement, était son ermitage et la ville à laquelle il pensait, c'était l'Italie. Vous me demandez une note biographique, chose qui m'embarrasse toujours. Les données biographiques, ne serait-ce que celles de l'état civil, sont ce qu'on a de plus personnel. On les expose et revient un peu à affronter une psychanalyse. Du moins, je le crois, car je ne me suis jamais fait psychanalyser. Je commencerai en disant que je suis né sous le signe de la balance. Ainsi, dans mon caractère, équilibre et déséquilibre corrigent tour à tour leurs excès. Je suis né alors que mes parents étaient sur le point de retourner en Italie, après des années passées aux Caraïbes. D'où l'instabilité géographique qui, sans cesse, me fait désirer un ailleurs. La science de mes parents avait pour objet le règne végétal, ses merveilles et ses vertus. Moi, attiré par une autre végétation, celle de l'écriture, j'ai tourné le dos à tout ce qu'ils auraient pu m'apprendre. Mais de toute façon, la connaissance de l'humain me resta étrangère. Qu'est-ce que vous retenez, Marie Fabre, de ce qu'on vient d'entendre, cette lecture par Marcel Cuvelier, d'un tout petit extrait d'Ermite à Paris ? Bien des choses. D'abord, la réticence de Calvino dès qu'il s'agit de parler de sa biographie. Et c'est une réticence qu'on retrouve par ailleurs dans sa littérature. C'est un homme essentiellement pudique. Un homme essentiellement pudique et qui verse très peu dans la confession ou même dans la littérature comme autobiographie, comme expression de soi. Il disait qu'il était de l'avis de Benedetto Croce et que les écrivains devaient valoir avant tout pour leur œuvre, et qu'il aimerait même se présenter à ses lecteurs avec un nom différent à chaque fois. Mmh. Hein, il y a chez lui un véritable fantasme à la fois de transformation permanente et presque de disparition qu'on verra à l'œuvre d'ailleurs dans son dernier livre, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Alors il disait qu'il aimait même falsifier ses informations biographiques, en donner de nouvelles à chaque fois pour se cacher derrière des masques. Et par exemple, on lit souvent dans ses notices biographiques qu'il est né à San Remo, alors que non, il est né lui aussi à Cuba, à Santiano de Las Vegas, un petit village à côté de la Havane. Le truc, c'était trop compliqué d'expliquer qu'il était né à Cuba, parce qu'il était rentré très vite en Italie avec ses parents. Oui, il était rentré à 2 ans, donc finalement, pour lui dire qu'il avait grandi à San Remo, c'était la vérité, c'était peut-être une vérité plus vraie. Et pourtant, cette naissance à Cuba, on voit qu'elle est importante, qu'elle alimente son imaginaire du voyage, son imaginaire de l'ailleurs. Plus tard, dans la Résistance, comme nom de bataille, il prendra Santiago, donc la ville où il était né, ou encore son alter ego dans la journée d'un scrutateur s'appelle Amerigo Ormea, et puis il retournera se marier à Cuba, à la Havane, en 64, au moment où il aura d'ailleurs l'occasion de rencontrer Che Guevara, ce qui sera une rencontre importante pour lui. Mmh. Comment vous comprenez ce qu'il dit de son caractère, qui est à la fois dans l'équilibre et le déséquilibre, l'un corrigeant l'excès de l'autre? Oui, ça me semble intéressant parce que ça correspond bien aux deux faces de cet auteur, c'est-à-dire un aspect très, très fantaisiste, très imaginatif, avec aussi de l'ironie, de l'humour, un sens comme ça de l'invention. Et puis, en même temps, quelque chose de très équilibré, de très rigoureux, une recherche de l'ordre, de la symétrie, et par ailleurs, même une certaine aspiration à la sagesse qui est présente dès le départ. Mmh. Alors, il est né en 1923. On l'a dit, c'était près de la Havane. Son père dirigeait une station expérimentale d'agriculture. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Italo, pour qu'il se souvienne qu'il vient d'Europe et singulièrement d'Italie. Oui, c'est assez drôle parce que apparemment sa mère lui avait donné ce prénom en pensant qu'ils allaient rester de nombreuses années à Cuba. Et donc c'est un prénom un peu nostalgique de la part de personnes qui sont étrangères, enfin qui sont dans un pays étranger. Et puis en fait, une fois rentré en Italie, quand il avait 2 ans, c'est un nom qui tout à coup se met à sonner très patriotique, très nationaliste, alors même qu'il est d'une famille qui n'est pas du tout une famille fasciste, bien au contraire. Famille antifasciste même. Sa mère était clairement antifasciste, ouais. Donc tous les deux, les parents sont des scientifiques, oui, puisque la mère est l'assistante du père, mais il y a aussi l'oncle chimiste qui est marié avec la tante chimiste. Son frère sera géologue, oui, et un géologue de renom. Donc on n'a que des scientifiques dans cette famille, sauf un écrivain. Tout à fait, et lui, il lui se considérait comme une sorte de mouton noir. Hein. Il avait dit que finalement, alors ses deux parents étaient des personnalités extrêmement fortes et très particulières pour l'Italie de l'époque, avec un certain anticonformisme, y compris dans cet aspect scientifique et dans leur côté anticlérical. Aussi, et dans certaines de leurs options politiques. Et finalement, Calvin nous dit que par rapport à ces deux personnalités très fortes, il a développé un certain nombre de défenses qui faisaient par exemple qu'il n'arrivait absolument pas à apprendre les noms de plantes, et que très vite il va se réfugier dans la littérature, dans le cinéma. Il fréquente énormément les cinémas au lycée. Et développer donc ses capacités d'imagination. Et pourtant, l'imaginaire scientifique, en fait, il va faire retour constamment dans son œuvre, à tel point qu'un des grands intérêts de son œuvre, c'est justement cette corrélation entre littérature et science. Alors, vous parlez de ses années de lycée. Il est peut-être un petit peu isolé aussi, parce que c'est un enfant qui est élevé par des parents athées, dans une école, dans un pays, à une époque où la religion, c'est quand même très important. Oui, mais en même temps, il en tire quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, par exemple, il raconte que sa mère avait vraiment pris des dispositions pour qu'il échappe à tout ce qui était pratique et aussi éducation religieuse à l'intérieur de l'école, ce qui était quelque chose qui l'isolait et le rendait différent par rapport aux autres. Et en même temps, il dit que c'est ça qui lui a appris, dès son plus jeune âge, à assumer ses convictions avec toutes leurs conséquences et à assumer justement sa différence. Mmh. Donc ils sont à San Remo, c'est à côté de la frontière française. Est-ce que ça compte, ça, d'être élevé juste à côté d'un autre pays, à côté d'une frontière ? Alors c'est possible, je pense que ce qui compte aussi, c'est que San Remo, dans ce moment-là d'avant-guerre, alors bon, à la fois oui, c'est une adolescence isolée, extrêmement provinciale, et en même temps San Remo, c'est un endroit très particulier à l'époque où il y a beaucoup d'étrangers. C'est une petite ville bizarrement cosmopolite. Ensuite, ça va complètement changer, mais en tout cas, là aussi, oui, il y a un imaginaire de la frontière, un imaginaire de l'ailleurs. On va écouter la description qu'il fait de San Remo dans son texte « Un roi à l'écoute ». En bas, dès qu'on avait dépassé notre grille et franchi la voie privée, commençait la ville avec ses trottoirs, ses vitrines, ses affiches de cinéma, ses kiosques et Piazza Colombo, juste là, à quelques pas, et le bord de mer. Vers le haut, il suffisait de sortir par la porte de la cuisine en direction du ruisseau qui passait en amont derrière la maison. Vous savez, ces ruisseaux qui reçoivent leur eau des torrents pour irriguer les terrains de la côte. Un minuscule cours d'eau derrière un mur, bordé d'un mince trottoir en dalles de pierre, une surface plane, de même niveau. Et on était tout de suite à la campagne, le long des sentiers muletiers de cailloutis, entre les murs de pierre, les pieds de vigne et la verdure. C'était toujours par là que sortait mon père, habillé en chasseur avec ses jambières, et on entendait le pas de ses chaussures cloutées le long du ruisseau, le bruit de la clochette en cuivre du chien et le grincement de la petite grille donnant sur la route de San Pietro. Pour mon père, le monde commençait à partir de là, vers les hauteurs, et l'autre partie du monde, celle d'en bas, n'était qu'un appendice, parfois nécessaire s'il fallait faire des courses, mais insignifiant et étranger. On devait la traverser à grandes enjambées, comme en fuyant, sans regarder aux alentours. Pour moi, le monde, la carte de la planète, allait de chez nous vers le bas. Le reste n'était qu'un espace blanc, sans signification. Les signes de l'avenir, j'espérais les déchiffrer en bas, à travers ces rues, ces lumières nocturnes qui n'étaient pas simplement les rues et les lumières de notre petite ville, un peu à l'écart, mais la ville, une ouverture sur toutes les villes possibles, comme son port représentait déjà les ports de tous les continents. Et il suffisait que je me penche au-dessus des balustrades de notre jardin pour penser que chaque chose qui m'attirait et me troublait était à portée de la main, et pourtant très lointaine. Chaque chose était implicite, comme la noix dans son brou, le futur et le présent, et le port. Extrait d'Un roi à l'écoute, lu par Stéphane Valenzi. Alors autant le père de Calvino était attiré par les hauteurs, par la nature, par les balades pour aller explorer un petit peu les plantes. Autant Italo Calvino, lui, il aimait le monde d'en bas, le monde des villes, de la petite ville. Oui, tout à fait, c'est un espace. Alors, ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est ce qu'on a aussi dans un récit autobiographique qui s'appelle La route de San Giovanni, c'est Calvino, c'est-à-dire ce paysage de San Remo, mais même le positionnement de sa maison comme configuration d'un espace mental qui va revenir un petit peu dans tous ses livres, et notamment cette frontière entre les hauteurs et la ville, mais une ville qui est à l'horizon, une ville qui est au loin, une ville qui est aussi une ville imaginaire, et cet imaginaire de la ville va revenir dans tous ces romans. Et puis on a aussi dans cet extrait le rapport avec son père, justement, chasseur infatigable, travailleur infatigable, au très fort caractère qu'il était obligé d'accompagner dans ses déplacements. La ville dans cet extrait, on voit bien comment elle se configure aussi comme une sorte de fantasme, et par opposition à ses parents qui étaient tous deux très occupés, au contraire, par la nature. Et Calvino, en effet, sera lui-même un habitant de la ville et de l'espace urbain. Hein, si on pense, alors ce sera d'abord Turin, Rome, et puis son voyage à New York qui sera déterminant pour lui. Hein, c'est sa ville préférée. Qu'il raconte aussi dans Ermite à Paris. Oui, tout à fait, parce que dans Ermite à Paris, on a le journal américain de Calvino, qui est un journal qu'il a renoncé à publier de son vivant parce qu'il le trouvait trop anecdotique, mais qui décrit son émerveillement devant les États-Unis, devant New York, et il pensait même faire inscrire sur sa tombe new-yorkaise, hein, un new-yorkais. Pour lui, New York était la ville. Mmh. Ouais, émerveillement, on pourrait nuancer aussi, autant il aime New York, mais il n'aime pas tellement le reste des États-Unis qu'il ne trouve pas forcément, forcément très beau. Non, c'est aussi un journal très critique hein, sur la civilisation américaine et même sur la Beat Generation, sur certains phénomènes culturels de cette époque-là. Voilà, la Beat Generation qu'il trouve un peu poseur en réalité, oui, mal habillés à l'extérieur, et puis quand ils sont chez eux, ils sont bien habillés comme des bons petits bourgeois, en gros c'est ça. Ouais, c'est très drôle, il raconte une fête où il a rencontré Allen Ginsberg et où il parle de sa barbe et de sa saleté, puis en fait ensuite il va à San Francisco, il se retrouve dans des fêtes de beatnik et là il dit mais en fait tout est très propre chez eux, ils vivent comme de parfaits bourgeois, sauf qu'au moment de sortir ils se décoiffent et ils se débraillent. Alors revenons à cette période d'adolescence, il essaie donc de faire comme ses parents, d'entrer dans l'école d'agronomie, mais enfin il échoue, voilà qu'il se tourne vers les lettres, et puis entre les deux il y a ce moment que vous avez un petit peu évoqué, Marie Fabre, qui est le moment de la guerre. Elle éclate quand il a 16 ans et quelques années plus tard il va en 1943 s'engager du côté des partisans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors c'est pas simplement qu'il échoue ses études. Il est inscrit à l'université d'agronomie à Turin et puis à Florence au tout début des années 40. Il est un étudiant médiocre en effet, parce que certainement c'était pas sa vocation. Hein, c'était déjà la vocation littéraire en fait. Et puis la guerre éclate. Sa mère, qui est antifasciste d'ailleurs, encourage ses deux garçons de 20 ans et 16 ans à entrer dans la résistance. Il entre dans la résistance donc sur les montagnes au-dessus de Saint-Rémy, ça allait être un lieu d'affrontement particulièrement dur et cruel. Hein. Et il est chez les Garibaldini, donc chez les républicains. Donc il est maquisard. Là, pour le coup, oui. Il n'est pas du côté des citadins, il est vraiment dans la nature. Et plus tard, il écrira « La guerre de partisans se déroulait dans ces bois que mon père m'avait fait connaître dès mon enfance. Je me pénétrais encore davantage de ce paysage et j'y vécus la première découverte poignante du monde humain. » Tout à fait. En fait, la résistance, c'est le réel moment de formation, d'apprentissage, mais aussi d'un passage à l'âge adulte très brutal pour Calvin, parce qu'il avait, au fond, il avait toujours vécu dans un milieu très bourgeois, très, très protégé, hein, finalement. Et là, il se retrouve dans la nature, en danger de mort permanent, bien évidemment, face à des choix et à des responsabilités qui l'engage énormément. Par exemple, ses deux parents sont pris en otage par les SS pendant les 8 derniers mois de la guerre. Ni les uns ni les autres ne savent s'ils sont morts ou vivants, et ils sont bien obligés de persévérer dans leur choix, justement. Par ailleurs, c'est aussi la rencontre pour Calvin, mais pour beaucoup pour les intellectuels de cette génération qui ont fait la résistance, c'est aussi la rencontre avec le peuple, avec un certain peuple, et c'est ce qui sera raconté dans Le Sentier des Nids d'Araignée, qui est son premier roman, qui sortira en 47, et on trouve justement à la fois tout ce paysage de Saint-Rémy et des alentours, et des montagnes au-dessus de Saint-Rémy, et où on trouve aussi tous ces personnages que Calvin, où on est venu à connaître, mais que rien ne le destinait a priori à fréquenter. Alors comment ça se passe justement, cette entrée dans la vie littéraire? On sait qu'il va s'inscrire après la libération en lettres à Turin. Il peut s'inscrire en troisième année parce que finalement c'est un héros de la guerre, hein, d'une certaine manière, donc il a une équivalence. Il obtient sa maîtrise, il fait une étude sur Conrad. C'est anecdotique ça? Non, c'est pas vraiment anecdotique, étant donné que c'est toute cette littérature anglo-saxonne qui le fascinait déjà et qui a été très importante pour l'Italie déjà à partir des années 30. Cela dit, lui-même dit que justement, comme il a pu entrer en troisième année, finalement, ses études de lettres, il les a faites beaucoup trop vite. Et qu'il a eu peu de temps pour étudier, c'est quelque chose... Il y a pour lui un certain retard qu'il va ensuite pouvoir rattraper pendant tout le reste de son apprentissage littéraire, qui va se faire à Turin, au contact avec le milieu de la maison d'édition Einaudi, où il est engagé aux côtés de Pavese à partir de 45, où il va rencontrer ses amis, mais aussi ceux qui seront, en tout cas pour ce qui est de Pavese et de Vittorini, ses maîtres en matière de littérature. Alors lequel des deux justement? Est-ce que c'est Pavese ou est-ce que c'est Vittorini? Et évidemment, vous avez fait une thèse qui s'appelle Vittorini et Calvino, utopie et littérature. Donc on se doute bien que pour vous, c'est Vittorini qui est le plus important. Non, je dirais pas ça. Non, je pense que Pavese a été le plus important dans la formation de Calvino. D'ailleurs, Calvino a beaucoup écrit sur Pavese et plus qu'il n'a écrit sur Vittorini par la suite. Ouais. Pavese, il a jusqu'à la mort de Pavese en 50, il a travaillé dans le même bureau. C'est Pavese qui lui a appris le travail éditorial. Mais c'est aussi lui qui lui a servi de modèle de rigueur dans le travail et aussi de modèle dans l'affirmation, la construction d'un style d'écrivain. Pavese était pour Calvino à la fois un modèle d'écrivain et véritablement le modèle d'une morale du faire, d'une morale du travail. Par ailleurs, il était à l'intérieur de cette maison d'édition, Aina Audi, qui avait de la culture une idée très vaste, c'est-à-dire que c'était une maison qui s'était donnée pour ambition de construire une culture de sortie du fascisme et construire une culture pour la nouvelle Italie démocratique. C'est-à-dire construire à la fois une culture qui permette de rattraper le retard des années de fascisme et aussi construire un nouveau lectorat. Donc c'était la littérature, mais absolument pas la littérature pensée comme un domaine isolé ou séparé, vraiment toujours la littérature prise dans les autres domaines du faire humain. La politique, les sciences humaines, etc. Et Pavese, qui avait initié par ailleurs une collection d'anthropologie chez Aina Audi, était aussi un modèle de ce point de vue-là. Alors après, entre Pavese et Vittorini, bon, c'est deux personnages très différents, quasiment antithétiques. À un certain niveau, Vittorini a un côté comme ça beaucoup plus ouvert, beaucoup plus solaire, beaucoup plus actif. Mais chez Vittorini, là aussi, ce qui prévaut, c'est la bataille culturelle. Et finalement, alors comme Pavese est mort en 50, l'histoire de Calvino avec Vittorini, elle est beaucoup plus longue. C'est-à-dire que Vittorini publie les premiers récits de Calvino dans le Politecnico, sa revue d'après-guerre. Et puis ensuite, il y aura un deuxième épisode et une deuxième revue qu'ils fonderont ensemble, qui est le Menabo, dans les années 50. Mais ça, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Si on a le temps. Alors, c'est vrai qu'il est éditeur toute sa vie, ou presque. Hein. Calvino, c'est même un des grands éditeurs de chez Einaudi. Ce sera important pour lui? C'est extrêmement important pour lui, justement parce que, d'une part parce que ça fait partie de sa formation, d'une manière de compléter sa formation. Par ailleurs, parce que pour lui, c'était une sorte de devoir envers la société. C'est-à-dire, le grand volume de correspondance éditoriale de Calvino s'appelle « Les livres des autres ». Et il dit qu'il n'a absolument jamais regretté de s'occuper des livres des autres plus que des siens. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pendant des années. Et c'était aussi une manière de donner un visage à cette nouvelle culture qui sortait de l'après-guerre italien. Se donner pour les autres, s'occuper des autres, c'était pas que dans son travail d'éditeur, c'était quelqu'un qui était très engagé en politique et qui a passé beaucoup de temps justement sur ces sujets politiques, peut-être même un peu trop de temps, parce qu'il y a eu chez lui une déception de la politique, Marie Fabre. Un peu trop de temps, c'est ce qu'il dit après. Trop de temps et trop d'énergie aussi. Mais en tout cas, dans le contexte historique qui était le sien, on peut penser que c'était absolument nécessaire au moment où il est entré en politique. Donc Calvino, il s'inscrit, il rentre au Parti communiste en 45, comme beaucoup d'intellectuels et de personnes, plutôt sur la base de son engagement antifasciste que sur une base idéologique réelle, étant donné que Calvino se disait plutôt anarchiste jusque dans les années de guerre. Mais c'est vrai qu'il va devenir un militant et un cadre du parti jusqu'en 57, qui est l'année de ses démissions du Parti communiste après les faits de Hongrie. C'est en effet extrêmement important dans son parcours, et il dit encore en 80 son passage au Parti communiste lui a appris des choses qui continuent à être très importantes pour lui, et notamment un souci de discipline, de rigueur et d'engagement envers autrui. Après, c'est vrai qu'il y a eu une série de mésaventures idéologiques, comme il les appelle dans Palomar, dans un texte qui s'appelle « Le modèle des modèles » et qui vont le mener à la rupture avec le parti. Il faut dire qu'il n'a jamais été doctrinaire. Il écrit « Pour moi, les idées ont toujours des yeux, un nez, une bouche, des bras et des jambes, c'est donc pas un idéologue, c'est quelqu'un qui veut faire pour les autres. Absolument, il insistait beaucoup sur cette nature-là de son engagement dans le communisme, c'est-à-dire, et il voit par là une différence avec les générations qui vont suivre, et qui pour lui sont des générations justement fortement idéologisées. Alors que Calvino, justement, il rentre dans le Parti communiste à travers l'action et à travers l'action culturelle qui est celle de l'après-guerre, c'est-à-dire fondation d'une nouvelle culture pour fonder une nouvelle société. Et donc c'est dans cette entreprise de fondation qu'il comprend son engagement au sein du Parti communiste plus que dans un attachement à l'idéologie. Allez, on va continuer de parler de la vie d'Italo Calvino juste après la chronique. C'est en compagnie des revues sur France Culture, la compagnie des auteurs. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous sommes aujourd'hui avec vous, Mayalen Berasategui. Bonjour. Bonjour. Du nouveau magazine littéraire et spécialiste de la Comtesse de Ségur. Vous venez nous parler des aventures du brave soldat Svechk pendant la guerre, pendant la Grande Guerre même. Ouais. C'est un livre de Yaroslav Hasek. Et ces aventures, elles racontent la Grande Guerre, mais sans la bravoure et sans les tranchées. Donc oui, ça c'est le premier volume du coup qui s'appelle « À l'arrière » et qui ressort là dans une nouvelle traduction de Benoît Meunier. Et donc l'intrigue est très très fine. En gros, on est en 14. Svechk, c'est un ancien soldat qui a été réformé pour crétinisme. Et donc en fait, il est arrêté parce qu'on l'accuse d'avoir tenu des propos défaitistes, mais il a l'air tellement bête que du coup, les flics se demandent s'il est pas complètement malade en fait. À l'hôpital psychiatrique, on se dit « non mais peut-être qu'il simule ». Il passe par la prison aussi, donc il a tout un parcours comme ça dans les institutions de l'Empire qui est en train de s'effondrer. Et donc il rencontre tout un tas de gens et surtout tout un tas de situations complètement absurdes. Voilà, donc c'est un mélange de Bécassine, de Candide et du sapeur Camembert, sachant que du coup, c'est le monde est plus absurde que lui. Voilà, c'est le monde qui est dénoncé à travers lui. Et donc c'est un roman qui a beaucoup de petites histoires imbriquées. Par exemple, il y a une affaire de chasse aux scouts, où Svechk explique qu'il a vu des paysans chasser des scouts et que vraiment, lui, il a été soldat, mais il voulait pas voir ça. Ou on vous explique comment vous pouvez dénoncer les gens avec qui vous jouez aux cartes. Alors vous faites monter les enchères, et puis au bout d'un moment, vous vous éclipsez, vous allez à la police, vous dénoncez tout le monde et vous récupérez une partie de la banque. Oui. Mmh, vous avez plein de petites histoires comme ça. Donc ça fait un peu penser à Don Quichotte. En fait, il y a toute une tradition en Europe centrale autour de la palabre, autour du fait de parler comme ça, mais spontanément vu d'Europe de l'Ouest, ça fait penser à Don Quichotte. Voilà. Alors, c'est un roman qui a été écrit en 1921, quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale. Est-ce que Jaroslav Hasek a fait la Première Guerre mondiale? Et finalement, Mayalen, quelle expérience en aurait-il tiré? Alors, lui, il a fait la Première Guerre mondiale. Au départ, il est plutôt anarchiste, vie de bohème, voilà. Avant la guerre, avec des amis à lui, il avait fondé un parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi. Donc ça vous donne un peu son rapport à l'Empire austro-hongrois et aux tentatives de parlementarisation et d'intégration des marges de l'Empire. Mais sauf que, comme pas mal de Tchèques, il a commencé dans un régiment de l'Empire austro-hongrois. Il est passé aux Russes et donc il a vu la guerre des deux côtés du front. Sauf que, par contre, lui, après, il est resté en Russie et il est passé au bolchevisme. Et donc, quand il est rentré en République tchèque, ça n'a pas été très bien pris par tout le monde. Oui, et en même temps, c'est un roman qui a eu une grande influence sur la littérature tchèque. Parce que le roman est très très très bon, mais parce qu'il est mort en 1923. Et donc, en fait, c'était un moment où on avait besoin de nouveaux héros nationaux. Et vous allez me dire Kafka, mais Kafka, il est germanophone. Mmh. Donc, en République tchèque, du coup, c'est compliqué. Et comme du coup il est mort en 23, il n'a pas eu le temps d'écrire non plus tout le bien qu'il aurait pensé de la nouvelle du nouveau régime. Et en même temps, il a eu toute une influence sur des auteurs comme Rabal, justement sur la palabre, tout ce rapport-là. Et c'est un roman qui aujourd'hui encore en République tchèque est vu comme une allégorie de la défense passive, de la résistance face à un régime autoritaire, face à un régime totalitaire. Notamment parce que Brecht a utilisé le personnage en 1943 dans une pièce qui s'appelle Svechk dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais à mon sens, le roman, on n'en est pas encore là. au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc, je vous invite vraiment à lire ce bouquin parce que c'est un personnage extrêmement intéressant. Les aventures du brave soldat Švejk pendant la Grande Guerre de Jaroslav Hašek. Traduction de Benoît Meunier, c'est chez Folio Classique. Merci beaucoup, Maïa-Hélène Verasatigui. À très bientôt. Et on repart dans cette seconde partie de la Compagnie des auteurs en l'écoutant parler, et Calvino, de la réception de son premier roman, Le Sentier des Nids d'Araignées. Cette étiquette d'écrivain fabuleux, je la porte sur moi du début. Cette première définition que Pavese avait donnée a influencé la critique italienne de ce premier livre et de plus en plus pour les livres qui ont suivi ce premier. Moi aussi, j'ai commencé à savoir, à me définir par rapport à cette image qu'on avait de moi. À l'époque, pour moi, la fable était et devait être comme inclus dans un cadre réaliste qui était alors le cadre de tout roman italien. Le Sentier des Nids d'Araignées, ça n'avait pas beaucoup plu à Vittorini, ça avait un peu plus plu à Pavese, mais surtout ça avait plu au public, Marie Fabre. C'était un nouvel auteur italien qui apparaissait à ce moment-là. Oui, tout à fait, ça a été un premier succès public, et puis alors ça avait quand même un peu plu à Vittorini, hein, mais Pavese, en effet, on avait fait une très belle recension. Enfin, il l'avait pas appris, il n'avait pas voulu le publier quand même. Non, c'est vrai, mais Vittorini comme éditeur est très tatillon, il voulait que Calvino réécrive énormément, et puis enfin voilà. Mais donc Pavese, à ce moment-là, c'est vrai, donne une. C'est marrant parce que dans ce qu'on vient d'entendre, on a aussi vraiment le rapport de Calvino à la réception, c'est-à-dire Calvino avec cette angoisse des étiquettes. Finalement, dès son premier roman, on lui donne une série d'étiquettes. Pavese donc publie une recension sur ce roman-là où il dit des choses très belles. Par exemple, il définit Calvino comme un écureuil de la plume. C'est-à-dire justement un écrivain qui va se caractériser à travers un décentrement du point de vue, à travers un point de vue décalé sur le réel. C'est pour ça qu'il n'aime pas les étiquettes, il veut toujours se décaler aussi des étiquettes qu'on pourrait lui accoler. Tout à fait. Alors, le décentrement du point de vue dans le Sentier des Nids d'Araignées, donc c'est la résistance qui est vue à travers les yeux d'un enfant, et y compris à travers ses affabulations, justement. Et donc le conte est très présent. Ensuite, si on parle des étiquettes littéraires, ben on sait que Calvino, justement, et c'est comme ça qu'il va se définir dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, c'est un écrivain qui voulait changer de peau, un écrivain qu'on aurait du mal à reconnaître de livre en livre. Pourtant, son parcours a quelque chose de très cohérent, mais c'est vrai que ses directions d'expérimentation vont dans des sens absolument différents. Donc c'est un premier livre qui découle directement de ses années passées dans le maquis, et c'est une manière d'exorciser un petit peu les morts qu'il a vues. Alors c'est un livre, c'est vraiment un nœud, ce premier livre de Calvino. D'ailleurs, il va écrire une très belle préface en 64 où il énoncera aussi un certain nombre de regrets sur ce qu'est ce livre. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il dit qui me semble important et intéressant d'un point de vue biographique justement, c'est que ce point de vue de l'enfant qui voit le monde des résistants, finalement, c'était aussi... Ça reflétait aussi ses propres complexes et ses propres sentiments d'inadéquation, d'adolescent bourgeois pris dans cette situation dramatique historiquement. Donc il va publier ce livre qui aura, on l'a dit, un peu de succès. Et alors après, il aura beaucoup de mal à en écrire un autre. Et c'est vrai que un certain nombre de ses maîtres et conseillers ne vont pas être toujours très amènes avec sa littérature, Marie Fabre. Non, tout à fait. Calvino donc publie Le Sentier des Nids d'Araignées en en 47, et ensuite, pendant des années, il essaye d'écrire ce qu'aurait été, disons, le roman de la vie populaire, dans une veine picaresque, etc. Et on a plusieurs essais de romans, et ces romans-là, à chaque fois, il les amène à Pavese, et puis ensuite à Ginsburg, etc. Il les fait lire à ses amis, et ces romans-là ne sont jamais convaincants. Peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être parce que Calvino, déjà, avait peu de... C'est pas vraiment un romancier au sens romanesque. Hein. C'est surtout un écrivain de récits, et souvent de récits brefs. Et ça, d'ailleurs, il va falloir qu'il le découvre lui-même. Oui, mais il écrit aussi des nouvelles dans ces années-là. Et puis oui, il va falloir qu'il le découvre, mais pas seulement qu'il le découvre, il va falloir qu'il le découvre et qu'il l'affirme ensuite en tant que personnalité d'écrivain. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que... il le dit lui-même, c'est-à-dire, mais c'est un grand problème des écrivains à ce moment-là, c'est-à-dire comment représenter le peuple. Il dit lui-même que les personnages du peuple lui viennent difficilement et qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans cette approche. Et la troisième réponse, c'est aussi qu'à ce moment-là, il essaye sans doute de répondre un peu contre sa nature à des injonctions qui sont aussi celles du réalisme et du réalisme engagé de cette époque-là. Et finalement, tout ça va se débloquer quand il écrira au début des années 50 le Vicomte pourfendu. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'il écrit justement au début par divertissement et aussi par découragement, justement, parce qu'il n'arrive pas à écrire ce roman de la vie populaire. C'était les faillites laborieuses, les années de faillites laborieuses. Exactement, de faillite et puis aussi de silence, à tel point qu'il se demande s'il est véritablement un écrivain, s'il n'est pas un peu là par hasard. Et puis, finalement, il écrit ce conte philosophique qui est le Vicomte pourfendu. Et là, c'est un succès public, et puis c'est aussi une manière d'embrasser pleinement la veine du conte, la veine fantastique, et de donner libre cours à son imagination. Cela dit, cette veine, disons fantastique, elle continue dans toutes ces années-là à s'alterner avec aussi des récits réalistes sur les années 50, et qui sont des récits autobiographiques et critiques, qui sont ceux du nuage de smog, de la spéculation immobilière et de La journée d'un scrutateur, qui est un livre extrêmement important dans le parcours d'écrivain de Calvino. Scrutateur dans un asile, le jour d'une élection. Pourquoi c'est si important ce texte-là ? Parce que c'est un texte de frontière, c'est un texte de bilan et c'est un texte de frontière qui vient clore une époque. Et ensuite, on passe à l'époque suivante, qui sont celles des cosmicomics, etc. C'est important parce que c'est un livre donc qui est l'histoire d'un protagoniste assez autobiographique, d'un alter ego fictionnel, disons, qui est Amerigo Ormea, et qui est justement un intellectuel communiste, historiciste, qui est scrutateur pour le Parti communiste dans le Cotolengo, qui est à Turin, une institution religieuse où sont enfermés à la fois toute une série de malades mentaux et jusqu'aux monstres que la société souhaite cacher. Et en fait, face à cette souffrance, à ce désordre de la nature, à cette perception du chaos et aussi à cette altérité des frontières, disons, de l'espèce humaine, petit à petit, c'est toute une crise qui investit le scrutateur, qui investit tous ses modèles de pensée, sa pensée d'une société parfaite, par exemple, et qui va tout remettre en question. Et on a le début de nouvelles pistes, notamment de la piste cosmique chez Calvino, c'est-à-dire l'homme pensé non plus simplement à travers son histoire, mais à travers une histoire naturelle, l'homme pensé comme espèce. Et ça, ce sera un peu la troisième période de l'écriture de Calvino. Oui, tout à fait. Enfin, la troisième période, et en même temps, bon, ça, c'est des réflexions qui vont avoir des prolongements un petit peu jusqu'à la fin de son œuvre. C'est-à-dire, vous voyez, quelque part, là, la science naturelle de ses parents fait retour aussi. Donc après, on a les cosmicomics, qui sont des récits qui cherchent à interpréter sous forme d'images des énoncés scientifiques. Et ça me semble, c'est une question en fait très, très actuelle, c'est-à-dire comment rapprocher de notre imagination et de notre quotidien les avancées et les théories scientifiques. Alors, il n'y a pas que de la fiction, il y a aussi un certain nombre d'essais. Par exemple, dans les années 54-56, il passe 2 ans à faire des recherches bibliographiques sur les fables italiennes. C'était une commande de Einaudi, son éditeur, mais c'est aussi quelque chose qui résonne évidemment avec notamment la trilogie Nos Ancêtres. Lui-même, ce sont des fables en réalité qu'il essaie de faire. Alors, pourquoi finalement passer 2 années à étudier la littérature, les fables, plutôt que de continuer le travail de fiction, même s'il le fait évidemment aussi en parallèle? Alors oui, donc là on revient un petit peu en arrière, en effet, c'est l'exploration de cette veine des contes. C'est un travail énorme qu'il a mené avec beaucoup d'engagement, qui l'intéressait au premier chef à plein de niveaux. C'est-à-dire il y a une admiration pour ce qu'est l'écriture du conte, pour ce qu'est l'économie du conte, par exemple. D'un pur point de vue stylistique pour Calvin, ce sont des chefs-d'œuvre. Il faut que ce soit simple pour que ce soit un chef-d'œuvre. Disons que lui-même avait cette tension vers une écriture limpide, vers une écriture la plus économe possible. Il disait qu'il essayait de mettre le moins d'adjectifs possible. Il ne supportait pas les adjectifs. Non, tout devait être... Plus les choses s'expriment à travers des noms et des verbes, et mieux c'est. Tout devait être essentiel et arriver droit au lecteur. Et il admire beaucoup cette limpidité du conte. Mais c'est aussi, quelque part, le début de ses intérêts dans un sens structuraliste, puisqu'il lit aussi Prop. Il étudie tous les schémas du conte, leurs variations. Il commence à s'intéresser à tous ces aspects qui donneront plus tard les aspects combinatoires de ces intérêts littéraires. Alors il y a ce moment du départ à Paris, on a commencé d'en dire quelques mots au début de cette émission, c'est donc aussi une fuite un petit peu de l'Italie. Expliquez-nous ça, Marie Fabre. Je crois que... Mais d'ailleurs, ça se ressent dans la correspondance. Et puis, il était un peu fatigué du milieu littéraire italien, du débat littéraire italien et de la vie culturelle, je pense. Il s'est lancé en 59 dans l'aventure du Menabo avec cette revue, hein, avec Vittorini. Il fait plusieurs interventions dans le Menabo, où on sent petit à petit que ce qu'avait été, disons, sa poétique, son idéologie littéraire de l'après-guerre jusqu'aux années 50 commence à s'effriter. C'est-à-dire toute une idée de littérature rationnelle, de maîtrise de l'histoire, d'un point de vue totalisant sur le monde, etc. Le monde apparaît dans une complexité de plus en plus grande, et puis tout à coup il a la tentation de se taire. Par ailleurs, il y a aussi des événements biographiques. Par exemple, il y a la mort de Vittorini en 66, et il dit très clairement que cette mort le laisse orphelin, ce serait beaucoup dire, mais qu'en tout cas Vittorini, qui avait une personnalité comme ça, très combative, très tranchée, qui avait une capacité à mener des batailles, que Vittorini était son lien finalement à cette vie sociale, littéraire, et qu'au moment où Vittorini meurt, il n'y a plus rien qu'il retient. Quelque chose lui manque, et ce lien, cette envie peut-être aussi vient à lui manquer. Et c'est le début d'un moment beaucoup plus... Je dirais pas non plus de repli, mais en tout cas de distanciation, et un moment où il va étudier dans un sens beaucoup plus interne à la littérature. Oui, c'est pour ça que c'est un ermite à Paris, il est un petit peu comme le baron perché, il se met loin et en hauteur pour pouvoir finalement être tranquille dans le retrait. Oui, mais c'est jamais un retrait total. C'est-à-dire, pour le baron perché, c'est pareil. C'est-à-dire, il est sur les arbres, mais il participe sans cesse à la vie de la communauté. Donc la problématique, c'est plutôt... trouver la juste distance. Ouais. Alors, il meurt en 1985, il a seulement 61 ans, il meurt d'une hémorragie cérébrale à Sienne. Finalement, c'est évidemment une mort inattendue pour tout le monde. Où en était-il dans sa vie et dans sa vie d'écrivain? Il avait plusieurs projets en cours, hein, à ce moment-là, dont donc le dernier livre important qu'il avait publié, c'était Paloma en 83. Il était à ce moment-là en train de travailler sur un texte qui serait un texte important qui s'appelle maintenant Les leçons américaines. Mmh. Il était en train de préparer ses leçons qu'il devait aller faire à Harvard, qu'il a jamais complètement pu finir et qui sont quelque part une sorte de testament littéraire. Mmh. Quelle est la postérité aujourd'hui de cet écrivain? Il est très connu en Italie, mais il est aussi très connu à l'étranger. En France, il est traduit au Seuil et chez Gallimard. C'est le grand écrivain italien du XXe siècle, en tout cas vu de France. Oui, pas seulement vu de France, hein, je dois dire. C'est-à-dire Calvino, c'est quand même un des auteurs du XXe qui est entré directement dans le canon, y compris en Italie. Et qui a été admis comme une sorte de classique du XXe siècle. Et ça, je pense, pour plusieurs raisons. Hein. D'une part, justement, à cause de son écriture si limpide, qui est aussi, pour certains, un modèle presque de classicisme. Par ailleurs, c'est un écrivain qui peut toucher un lectorat très large. Je veux dire, Le Baron Perché, c'est des romans qu'on étudie à l'école. Ouais. Ou Marco Valdo, hein, qu'on peut étudier justement très jeune, et en même temps l'œuvre de Calvino, elle permet, si vous voulez, d'illustrer différents moments de l'histoire littéraire du XXe. Mmh. La résistance, le néoréalisme, le structuralisme, l'Oulipo, le postmoderne. Et donc je pense que quelque part, je dis pas ça de manière péjorative, mais elle peut être pratique aussi, hein, dans un certain cadre, disons, critique et scolaire. Mais ce qui me semble vraiment intéressant dans sa réception, c'est la manière dont elle se renouvelle sans cesse. Par exemple, Calvin aux États-Unis, mais en France aussi, a eu une réception justement du côté structuraliste ou lipien postmoderne. Or, aujourd'hui, on voit que ce qui intéresse chez lui avant tout, c'est sa recherche du côté d'une littérature anti-anthropocentriste, d'une littérature cosmique, du rapport entre science et littérature. C'est des aspects extrêmement actuels et à travers lesquels son œuvre continue à parler. On n'a pas parlé, c'est vrai, de l'Oulipo, mais ça c'est parce qu'on développera la deuxième partie de sa vie dans l'émission sur les années parisiennes. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu, puisqu'il reste quelques minutes et que vous avez consacré votre thèse, Marie Fabre, à ce thème, à la question de l'utopie. Quelle est la vision finalement de l'utopie chez Calvino, et pourquoi avoir choisi alors ce sujet-là pour y passer autant de temps et consacrer votre thèse à ce sujet? Alors, je me sens un peu, ça va être difficile à synthétiser en si peu de minutes. L'intérêt pour l'utopie chez Calvino, il remonte assez loin. C'est-à-dire qu'on en trouve déjà des traces dans Le Baron Perché, où à un moment Cosimo devient utopiste. On trouve des images utopiques aussi dans la journée d'un scrutateur. Mais c'est un intérêt qui va commencer vraiment à se formaliser, disons, dans les années 68 et autour d'un utopiste qui est Fourier, qui va l'occuper, qui va être au centre de ses intérêts pendant plusieurs années. 68, c'est l'homme des phalanstères, hein, Fourier. C'est l'homme des phalanstères, et puis pour Calvino, il est intéressant parce que c'est l'utopiste du désir. Calvino va faire l'anthologie de Fourier qui sera publiée aux éditions Einaud. Il va écrire trois articles importants sur Fourier. Et au départ, c'est un peu, je trouve ça marrant parce que c'est aussi un peu en polémique avec l'esprit de 68, qui voyait d'un œil là aussi un petit peu à distance. Comme les beatniks alors. Un peu, mais tout à fait. C'est-à-dire, on a une sorte d'incompréhension aussi face à certaines manifestations de la jeune génération. Et Calvino avait beaucoup de méfiance pour tout ce qu'il appelait l'aspect spontanéiste existentiel du mouvement. Et en même temps, lui, ce qu'il aime, et ce pourquoi l'écriture devrait être faite, c'est pour vivre en s'amusant. Il y a une volonté de s'amuser quand même, très importante chez Calvino. Ouais, mais ce côté ludique, il est toujours contrebalancé par une morale de l'effort, de la rigueur, de penser une situation jusque dans ses ultimes conséquences. Je veux dire, c'était pas du tout un écrivain viscéral, par exemple, ou spontanéiste. Et ici, du côté de l'utopie, donc ce qui est marrant, c'est qu'il cherche à proposer à cette jeunesse de 68 une utopie du désir, mais qui soit justement basée sur un calcul extrêmement rigoureux et une combinatoire extrêmement rigoureuse, qui est celle de Fourier. Donc il est vraiment calviniste, Calvino, alors c'est pas du pipeau ce nom-là. Bah, il y a chez lui cette morale de l'effort, du travail, de la rigueur, mais parce que pour lui, l'autoconstruction d'un individu passait véritablement par ça. Merci beaucoup Marie Fabre pour cette première présentation d'Italo Calvino par sa biographie. On en parle toute la semaine. On parlera aussi de la postérité de son œuvre. Je rappelle que vous avez rédigé une thèse sur Calvino et qu'elle s'appelle Utopie et littérature chez Elio Vittorini et Italo Calvino. Demain, pour un panorama de l'œuvre de Calvino, nous serons en compagnie de l'universitaire Philippe Darros. Et puis je signale la sortie en kiosque du nouveau numéro de papier, la revue de France Culture. C'est sur le thème du paysage. Mais avant cela, un autre paysage, le paysage poétique, c'est celui que nous propose chaque jour Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Comme c'est amusant de préparer soleil gris-gris et de se demander quel temps il va faire et si la poésie changera quelque chose. Chez Gilles Weinzeflen, ce soleil au départ serait celui du Yémen. Sa brûlure mythique, peut-être. Aden est un roc affreux selon Rimbaud le négociant. Weinzeflen se fait un moment témoin pour un voyageur non-voyant. Avant de revenir en Occident dans les parties successives du livre « Soleil gris-gris ». Poète signifie ne pas rire. Ne pas rire du tout. Être ce rire qui ne rit pas, dit l'auteur. Pivot Kinski, c'est le nom d'une des parties inspirées de l'acteur allemand Klaus Kinski et à propos de ce mouvement tournant qu'il faisait pour entrer dans le cadre. Mal ressenti, vécu de travers, comme une casquette mise de travers, sans la science du travers. En retard d'une saison, si oui ou non ce soir, Jennifer finira dans les bras de Bradley. Je me bats pour qu'éclate, comme un beau crâne se fend sur les trottoirs de la République, la poésie, la vérité. Et celui-ci, tout seul sur sa grande page, la peur de l'ami, du feu proche, comme à l'approche de l'hiver, l'oiseau se retire dans son bec. Dans la partie « Le printemps s'appelle revient », il n'y a pas de travail ici. Avant, il y avait du travail, maintenant, il n'y a plus de travail. Il faut partir de ce village chercher du travail ailleurs. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai toujours habité ici. Mon père est né ici, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici maintenant. On ne peut pas rester dans ce village, il n'y a pas de travail. Il faut chercher du travail ailleurs. On ne peut pas gagner de l'argent, je vais chercher du travail ailleurs. Quand j'aurai gagné assez d'argent, j'enverrai tout cet argent à ma famille. C'est difficile de partir, ma famille est ici. Mes amis, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici. Parfois, je me dis qu'il vaut mieux que je reste. Il vaut mieux ne pas bouger de ce village. Je ne sais pas si je vais trouver du travail ailleurs. Il vaut mieux attendre. Ce n'est pas possible de rester. On ne peut pas gagner de l'argent. On ne peut pas nourrir sa famille. Il faut quitter ce village et je dois partir de ce village. Et, toujours dans l'exercice, le printemps s'appelle revient, celui-ci. Prada a réussi son implantation au Niger. Le magasin Colette ouvre un deuxième concept store en banlieue d'Alger. Les ventes de Porsche ont progressé de 300% au Cambodge. Un nouvel Apple Store vient d'ouvrir au Bangladesh. Les prévisions de vente de Rolex en Lettonie sont en forte hausse. Le nouveau magasin Dior, homme de Kaboul, a été dévalisé en quelques heures. Louis Vuitton a décidé de fermer sa boutique au Laos pour cause de rupture prématurée du stock. On s'attend à une véritable marée humaine à deux jours de l'ouverture du Nike Town de Mogadiscio. Les bijoux Cartier profitent d'une pause de la concurrence au Liberia pour doubler un réseau de ventes déjà florissant. On estime que les ventes en immobilier de luxe en Haïti vont tripler dans les prochaines années. L'Éthiopie accueillera le prochain sommet du G20. Ferrari s'apprête à ouvrir une deuxième chaîne de montage au Soudan. Merci à vous, Jacques Bonafé, pour ces lectures de textes poétiques de Gilles Veinzeflen.